fait, ça ne se dit pas tout à l'heure. Ben, aux femmes, téléphonez-moi. Et dis-moi, là, à développer un rendez-vous avec vous. On dit, comme téléphone en cas mal marché en haut, en cas pour en bas. À descendre, après femme là en bas. Et dis-moi, à Kaba on rendez-vous. A dit, mais qui j'en ai fait reconnaître vous? Et dis-moi, vous pouvez venir ici pour là. Vous pouvez trouver un saison en long beat. Comme dit, comme fait moyen pour là, trouver femme là, si c'est si beat là. Lève-moi. Et dis-moi, oh, ou noir. A dit oui, et dis-moi, le noir son couleur de désespoir. Et dis-moi, de toutes les façons, moi-même, en cas balancer l'amour et en cas placer les intérêts. En cas faire mes yeux, en cas boucher nez et en cas boire de l'eau sentie. Parce que, à j'avais la tête à supporter avec dégoût. Tiens, comment j'ai là? Pourquoi ils font sortir quand même? À partir de la veille, nous allons danser. À danser la veille, moi j'ai commencé à manier tété. Et dis-moi, c'est pas la Mayotte. A dit, nous allons sortir. Ben, a baissé tête en moi, a voir des pieds aïe, il n'y a pas de bouchette, il n'y a pas de cheval, la diablesse, en train de jouer là présent, là où y'a une grande réponse, il faut garder les pieds aïe, il dit moi, a te cassé couaou. Toujours qu'à respecter femme. Mais, ni de toi, vous. Yo non, man, ni non, man, quoi, yo. Aux Antilles, yo qu'à foutre ces chiens-là, coûte wash. Là, yo arrive ici, yo qu'à mettre avec des décalé modèle des femmes. Femme, là, qu'à dire, yo, tu vas faire pipi le chien. Yo qu'à baisser tête à yo. Yo gars fait pipi le chien. Eh ben, là vos femmes bah yon rendez-vous. Yo non pas, yo pas même connaître les gens pour yo parler bah femme parce que yo pas respecte les femmes. Yo gars dit yo, en cas pli mon oiseau. Un cas casson mordant, ça ne se dit pas. Parce que m'a baissé, ou bien pris derrière. Et au cas où, ben fait qu'à boire de l'eau, ça ne se dit pas. En vrai, monsieur, qu'à garder l'estomac à femme, là, qu'à garder des détails. A dit, monsieur, qu'à quoi faire là? Il dit, mais, un cas voyant un œil en deux mamelles. Ça ne se dit pas. À part parce que ou aide aux femmes. Ou voyez non chi l'autre cordon. Coupé a dit mon nouveau femme là non chi l'autre cordon. Ça ne se dit pas. L'autre fois, il a expliqué moi. en femme ni quatre lèvres. Deux pour dire bêtises et deux pour faire pardonner yo. Ça ne se dit pas. La filo en radio là, ces femmes là qui téléphoné, mais en mani grand français, il a dit yo, restez bien en ligne, je vais vous prendre les uns après les autres. Ça ne se dit pas. À part parce que vous péchez, ses amis à moi, vous prendrez, quoi dis moi, voisine à moi, aimer tirer, quoi bon pour ton tirer, ma voisine là. Ça ne se dit pas.